la poussière du matin ouvre mon étal. Le bois gémit, la rue sent le métal. Près des skills comptent à voix grave et basse, chaque pièce sonne comme un glas. Le soleil fend la brume sans détour. Mon harmonica pleure. De farine, un couteau fêlé, des clous rouillés pour des toits brisés. Je note encrais sur le vieux comptoir que l'ouest vend l'ombre et la mémoire. Au bout du gant, ma voix rappe le soir. Qui est pieux, je pèse la honte et le parfum, mon souffle râpe comme du pain. Ride with the dust through the silent dawn. Rider still stands where the faith is worn. On Audia cries, the et tremblant, je cache un sourire sous mon feutre. La moneta grave un vœu pour d'eau. s'avance bleu et brûlant. Mon étal tient, la ville a le temps. Les bouteilles chantent des refrains froids, la farine vole très loin. Je sais l'impact avec la faim. Mon souffle râpe comme un du pain. Une danseuse vend un foulard pour un parfum, pour un regard. Je pèse l'absence. Tremble sous ses regrets. Je rends la soie.